Ézéchiel chapitre 41. Puis il me fit entrer vers le temple, et il mesura des poteaux de 6 coudées de largeur d'un côté, et de 6 coudées de largeur de l'autre côté, qui est la largeur du tabernacle. Ensuite il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de 10 coudées, et les côtés de l'ouverture de 5 coudées d'une part, et de 5 coudées de l'autre part. Puis il mesura dans le temple une longueur de 40 coudées, et une largeur de 20 coudées. Puis il entra vers le lieu qui était plus intérieur, et il mesura un poteau d'une ouverture de porte de 2 coudées, et la hauteur de cette ouverture de 6 coudées, et la largeur de cette ouverture de 7 coudées. Puis il mesura au-dedans de cette ouverture une longueur de 20 coudées, et une largeur de 20 coudées, sur le sol du temple, et il me dit, « C'est ici le lieu très saint. » Puis il mesura l'épaisseur de la muraille du temple, qui fut de 6 coudées, et la largeur des chambres qui étaient tout autour du temple, de 4 coudées. Or, quant à ces chambres, il y en avait 3 l'une sur l'autre, tellement qu'il y en avait 30, ainsi rangées, desquelles les soliveaux entraient dans une muraille qui touchait à la muraille du temple, et qui avait été ajoutée tout alentour, afin que les soliveaux de ces chambres y fussent appuyés, et qu'ils ne portassent point sur la muraille du temple. Or il y avait une largeur et un circuit autour du temple, beaucoup plus haut que les chambres, car cette muraille, par le moyen de laquelle on montait tout autour du temple, était beaucoup plus haute tout à l'entour du temple, et ainsi elle était cause que le temple, était plus large en haut qu'en bas, et par ce moyen on montait de l'étage d'en bas à celui qui était au-dessus de l'étage du milieu. Je vis aussi vers le temple tout à l'entour, une hauteur qui était comme les fondements des chambres, laquelle avait une grande canne, c'est-à-dire, 6 coudées de celles qui vont jusqu'à l'aisselle. La largeur de la muraille qu'avaient les chambres vers le dehors, était de 5 coudées, lequel espace était aussi dans la muraille, où on laissait quelque endroit qui n'était point bâti, et ces 2 murailles étaient ce sur quoi étaient appuyées les chambres d'alentour du temple. Or, entre les chambres il y avait un espace de 20 coudées de largeur tout autour du temple. L'ouverture des chambres était vers la muraille en laquelle on laissait quelque endroit qui n'était point bâti, savoir, une ouverture du côté du chemin vers le septentrion, et une autre ouverture du côté vers le midi, et la largeur du lieu où était la muraille, en laquelle on laissait quelque endroit qui n'était point bâti, était de 5 coudées tout alentour. Or le bâtiment qui se rendait sur le devant de la séparation, qui faisait le côté du chemin vers l'occident, avait la largeur de 70 coudées, et la muraille du bâtiment 5 coudées de largeur tout alentour, tellement que sa longueur était de 90 coudées. Puis il mesura le temple, qui eut en longueur 100 coudées, de sorte que les séparations, les bâtiments et les parois qui étaient, avaient en longueur 100 coudées. La largeur aussi du devant du temple, et des séparations vers l'orient, 100 coudées. Et il mesura la longueur du bâtiment, qui était vis-à-vis de la séparation qui était au derrière du temple, et de ses chambres de côté et d'autre, et elle était de 100 coudées, puis il y avait le temple intérieur, et les allées du parvis, les poteaux et les fenêtres qui étaient rétrécis, et les chambres d'alentour du temple dans tous leurs 3 étages, depuis le long des poteaux, n'était qu'un lambris de bois tout alentour, et le sol en était couvert jusqu'aux fenêtres, qui en étaient couvertes de même, jusqu'au-dessus des ouvertures, et jusqu'à la maison intérieure, aussi bien qu'au dehors, et par-dessus toutes les murailles d'alentour, tant dans la maison intérieure que dans l'extérieur, en y gardant toutes les mesures. Et ce lambris était sculpté de chérubins et de palmes, tellement qu'il y avait une palme entre un chérubin et l'autre, et chaque chérubin avait 2 faces. Et la face d'homme était tournée vers la palme d'un côté, et la face de lionceau était tournée vers la palme de l'autre côté, et ainsi il était sculpté par toute la maison tout alentour. Depuis le sol jusqu'au-dessus des ouvertures, il y avait des chérubins et des palmes sculptés, même jusqu'au-dessus de la muraille du temple. Les poteaux de la porte du temple étaient carrés, et le devant du lieu saint avait une représentation, telle que la représentation précédente. L'autel était de bois, de la hauteur de 3 coudées, et de 2 coudées de longueur, et ses coins, et sa longueur, et ses côtés étaient de bois. Puis il me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Il y avait aussi 2 battants à la porte du temple, et 2 même à la porte du lieu très saint. Or chacun de ces battants était divisé en 2, qui étaient 2 battants qui se repliaient, de sorte que chacun des deux battants était encore brisé en deux. Il y avait aussi des chérubins, et des palmes figurées sur les portes du temple, comme il y en avait de figurées sur les parois. Il y avait aussi de grosses pièces de bois sur le devant du porche en dehors. Il y avait pareillement des fenêtres rétrécies, et des palmes de ça et de là aux côtés du porche. Il y avait aussi les chambres qui étaient autour du temple, et puis les grosses pièces de bois.